man. Get me on the mic. Get on the mic. Get on the mic. Get on the microphone. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par les filles faciles, celles qui se donnent sans réfléchir et qui sont plutôt dociles. C'est comme un papier cadeau dès lors que j'ai des habits, car de mes mains je suis plutôt habile. Oui, j'aime tant quand tu te donnes, quand tu te donnes sans compter. Et quand moi tu t'abandonnes, que tu te laisses tenter. À donner le maximum, ce n'est pas pour me vanter, mais je vais te faire crier comme personne. Bramante! Je crois qu'on m'appelle, ce petit son m'excite, m'incite, m'invite et m'en sorcelle. Fais-moi une jolie mise en scène et je me mets en scène. J'aime les filles plutôt jolies, font pas peur de veiller toute la nuit, capable de combler mes envies toute la semaine et même le samedi. Ça date, dis-moi, ça me dit, j'dirais vini, vini, viti. Quand on sera dans le lit, ça sera un délit social, alors viens par ici, wow. Si t'es comme je décris, bébé, appelle-moi si tu aimes pousser des cris. Tu connais le Kama Sutra, bah, c'est moi qui l'ai écrit. Le corps à corps dans les draps resteront à jamais inscrits, wow. Quand on m'appelle, ce petit son m'excite, m'incite, m'invite et m'en sorcelle. Quand on m'appelle, fais-moi une jolie mise en scène et je me mets en scène. Tu m'as l'air farouche, dis-moi est-ce que tu vas me griffer. Si je te touche, j'aimerais que mon ange en prenne le chemin de ta bouche. Une fois que tu l'auras bien en main sur le lit, je te couche. Lâche-toi bébé, jette-toi à l'eau. Je ne te promets pas la lune, non, je ne suis pas un salaud. Tu veux baiser sans sucer, non, non mais attends, allô. C'est comme si je te disais c'est Noël mais tu n'as pas de cadeau. Quand on m'appelle, ce petit son m'excite, m'incite, m'invite et m'en sorcelle. Quand on m'appelle, fais-moi une jolie mise en scène et je me mets en scène. Je serai le remède qui fera oublier tes ex. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide quand je suis équipé de latex. Je sens bien que tu cèdes lorsque j'y introduis mon sexe. Boum da boum da boum boum da boum. Ne te fais pas délaissant, tu seras femme. Ma nana devait juste que tes grands frères sur ma banane. Pendant que moi je toucherai à tes ananas. Minou minou minou, ramène-toi par là. Oh, t'emballe pas, regarde, j'ai tes croquettes. Quand on m'appelle, ce petit son m'excite, m'incite, m'invite et m'en sorcelle. Quand on m'appelle, fais-moi une jolie mise en scène et je me mets en scène. Quand on m'appelle, ce petit son m'excite, m'incite, m'invite et m'en sorcelle. Quand on m'appelle, fais-moi une jolie mise en scène.